On a déplacé la chronique de la NFL avec notre ami Marc Diquet. On l'a déplacé aujourd'hui parce qu'évidemment, c'est la finale d'association. On a notre ancien collaborateur, Alexandre Gauthier. Il collabore de temps en temps encore avec moi, qui se trouve à Foxborough. Bonjour, messieurs. Allô, allô. Oui, salut. On va commencer avec Alexandre parce que t'es actuellement à Foxborough. T'es dans le parking où ce qui a un tailgate actuellement. Est-ce que c'est impressionnant? Oui, effectivement, on vient à peine là, de débarquer de l'autobus, puis écoute, il fait super beau ici en Nouvelle-Angleterre, il doit faire un 9-10 degrés, les gens sont déjà installés, ça joue aux poches, ça se lance le football dans le stationnement, les barbecues sont en force, alors pour une première expérience, j'avoue que je suis très gâté, ça ressemble pas mal à ce qu'on voyait à la télévision et de le vivre sur place. Ouais. C'est extraordinaire. Hey, Marc, toi, t'en as vécu les tailgates, de ce que t'as vu dans la NFL, parce que t'en as vu plusieurs, là, c'est quoi la meilleure place? Non, moi, j'ai jamais vu Foxborough, par exemple. Je pense qu'Alexandre a de l'avance sur moi, parce que en série, ça doit être encore plus intéressant qu'en saison régulière, mais à Buffalo, puis gars, c'est un gars de Jonquière, que je peux me permettre de le dire, là. À Buffalo, c'est très, très, très Jonquière. Ah oui. Il y a du partant en masse. Là. OK. On va commencer avec Alexandre. Comment tu vois ça? T'as-tu eu l'occasion, parce que toi, tu comprends bien l'anglais, t'as-tu eu l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans les journaux de Boston? Est-ce qu'on est confiant? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ah, yes. On est très, très, très confiant. C'est Brady versus Bortles, parce que le jeu-là, c'est clair que les Jaguars sont pas là. C'est du patriote partout. Je suis allé hier au centre-ville de Boston. Si j'ai vu deux chandails des Jaguars dans tout le centre-ville de Boston, et Dieu sait qu'il y a du monde un samedi, je vais dire que j'étais en très, très grande minorité. Alors, c'est Boston, c'est les patriotes all the way, si mon ami. Est-ce que, je sais pas, tu te promènes pas avec ton chandail des Jaguars, actuellement? Non, j'ai seulement une tuque des Jaguars, puis honnêtement, je fais attention parce qu'on me regarde bizarrement. Même le douanier en revenait pas que je prenais pour les Jaguars, fait que je fais bien attention. Marc, comment tu vois ça, ce match-là? Ben écoute, moi, malheureusement, pour Alexandre, je pense que les Patriots, comme ben du monde, vont l'emporter. L'histoire de la blessure à Brady, ça me fait rire. Ben oui. J'ai pas l'impression qu'il est blessé tant que ça. Est-ce que ça pourrait être une comédie? On pourrait se lancer dans des choses comme ça? Je pense pas, mais j'ai pas l'impression que ça va le déranger. Il est blessé, c'est sûr, mais à quel niveau, on le verra. La seule chose, par contre, la seule lueur d'espoir que j'ai pour les Jaguars, c'est que c'est une défensive qui est faite pour battre les Patriots. Cette défensive-là pourrait battre les Pats. Si le match était à Jacksonville, je pense que ce serait peut-être plus serré. Mais malheureusement, c'est en Nouvelle-Angleterre. Puis je vois pas comment Jacksonville pourrait remporter ce match-là. T'sais, oui, contre les Steelers, ça a été un bon match. Mais ils ont quand même donné beaucoup de points. Quoi que le dernier touché à la fin, moi, je ne le compte pas. J'ai l'impression qu'on a comme pas laissé faire. On n'a peut-être pas forcé tant que ça. Mais faut pas oublier la performance contre Buffalo, c'était pas si concluant que ça. Là. Mm. Fait que j'ai hâte de voir, mais je pense que les fans vont l'emporter. Là. Toi, Alexandre, objectivement, comment tu vois ça? Ben, objectivement, la semaine passée, j'avais donné les Steelers gagnants par un toucher. Je vais être obligé je vais être obligé quasiment de donner la même chose aujourd'hui. Mais par contre, ce qui me fait espérer, c'est que la pression ici est que sur les Patriotes. Les Jaguars étaient 3-13 l'année passée. Ils se sont rendus ici, c'est déjà un exploit. Mm. Ça fait que je suis persuadé que la pression est très écrasante pour la Nouvelle-Angleterre. Moi, Marc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve qu'une bonne analyse. S'il y a une défensive qui peut battre Brady, c'est celle des Jaguars. Ils ont les éléments pour matcher tous les atouts offensifs des Patriots. Gronkowski, on est capable, je pense, de le couvrir à Jacksonville avec Jalen Ramsey ou à tout le moins Miles Jacks. Il y a des éléments défensifs. La seule chose qui me fait douter, c'est que j'ai un carrière qui s'appelle Blake Bortles, moi ce que j'appelle affectueusement bipolaire Blake Bortles. Oui. Alors, est-ce que bipolaire Bortles, quel bipolaire va se présenter aujourd'hui? J'en ai absolument aucune idée. Marc, c'est vraiment le bon point. Hein. C'est la clé dans ce match-là, c'est Blake Bortles. Lequel des Blake Bortles va se présenter? Ben, au moins, cette année, il y a eu une bonne saison. Tu sais, avant... C'était pas clair. Au moins, cette année, il a quand même performé sur du long terme un peu. Là. Tu sais, c'est drôle parce que je suis pas le premier qui dit ça loin de là, mais on regarde les quatre carrières présentement à lui. C'est la barouette, hein? Il y en a trois là-dedans qu'on n'est pas sûr, mais pas pendant tout. Là. Donc, c'est impressionnant ce qui se passe. Mais moi, Blake Bortles, je sais pas, même une bonne performance, est-ce qu'une bonne performance de Bortles sera suffisante? Je ne pense pas, mais par contre, je pense que ça sera beaucoup plus serré que certains experts peuvent le penser. Là. OK. Moi, ce qui m'inquiète, Alexandre, j'en ai parlé cette semaine sur les médias sociaux, c'est Tom Coughlin. Coughlin, qui est le directeur général des opérations de football des Jaguars, que c'est pas mal... Oui, Doug Marrone a fait du bon travail, mais faut si les Jaguars ont une bonne saison, je pense que Tom Coughlin a mis de l'ordre dans cette équipe-là. Et il connaît les Pats. Il a la recette contre les Pats. Il les a battus deux fois. C'est vrai qu'il a été chanceux dans un des matchs parce que David Tyree a fait tout qu'un attrapé. Un attrapé incroyable. Est-ce que ça pourrait aider les Jaguars? Parce que Coughlin connaît les Pats, là. C'est sûr que Coughlin, il est certainement engagé dans le plan de match parce que tu le vois à chaque match, il est dans la galerie de presse, il prend des notes sur chacun des jeux. Même quand les Jaguars gagnent, il a toujours sa face de il est super bête, il regarde, lui, il tient sa feuille de jeu, puis il prend des notes. Puis tout le monde va te le dire, à Jacksonville, ils ont jamais connu un camp d'entraînement aussi rude que celui de cette année. Et ça, c'est l'empreinte de Tom Coughlin. Maintenant, c'est pas Tom Coughlin qui va jouer aujourd'hui. Ça fait que je pense que la clé, vraiment, je reviens sur Bortles, mais Bortles, il peut battre les Patriots avec ses pieds aussi. Je pense que le secret de ce match-là, si les Jaguars ont une chance, c'est la défensive qui tient le coup, et c'est l'offensive, tout ce qu'elle doit faire, c'est pas de série 3 et je pars. Il faut absolument que l'attaque, elle garde le ballon avec le jeu au sol, puis si Bortles n'est pas capable de lancer le ballon, ben il faut comme Buffalo, il courra plus qu'il lance. Ouais. Si on veut avoir une seule chance, c'est celle-là. OK. Maintenant, on va y aller. Donc, des prédictions, Marc, moi, j'y vais par quoi, autour d'à peu près quoi? Moi, j'y vais avec 21-14, tiens. Écoute, moi, dans les prédictions, je ne vais pas... Ouais, moi, je suis 2-8 cette année, oublie ça, là. Surtout quand c'est le temps de donner le score, t'as encore pire. Moi, j'ai l'impression de savoir... 27-24, Patriots. 27-24, Alex? Ben, j'aurais dit quelque chose comme 27-21 Patriots, mais go Jacks! Hey, dans l'autre match, c'est-à-dire les Vikings contre les Eagles qui, écoute, Nick Foles, depuis qu'il est arrivé en poste, en match éliminatoire, a pas mal fait la semaine passée, on lui demande surtout, lui, s'il fait nous pas perdre. Comment vous voyez ce match-là? On va commencer avec Marc, tiens. C'est embêtant ce match-là. Ouais. Parce que moi, contrairement à toi, Danny, j'avais mis les Vikings gagnants sur Atlanta. Les Eagles sur Atlanta. Mais là, je pense qu'avec la victoire que les Vikings ont eue la semaine passée, ils vont arriver là de façon très, très, très énergisée. Je vois pas comment les. Tu sais, Nick Foles, c'est la semaine passée, t'as gagné ça à coup de boîté, là. Ouais. Je vais pas être méchant, mais je vais regarder un match de la Ligue canadienne, c'est ça que je veux voir. Là. Mais tu sais, je veux dire, non, je pense que la défensive des Vikings n'a rien à envier à celle des Eagles. Puis à l'attaque, là, c'est là que l'attaque des Vikings doit prendre le contrôle, même si le match est à Philadelphie. Moi, je pense que Nick Foles n'aura pas le choix d'en faire plus que ce qu'il n'en a jamais fait depuis qu'il a été appelé à la relève de Carson Wentz. Je pense que malheureusement pour lui, ça va le trahir. C'est ce que je pense. Toi, je sais pas, mais c'est ce que je pense. Toi, Alexandre? Ben, un peu du même avis que Marc. Moi, j'ai un secret au football, c'est présente la meilleure défensive, puis le meilleur corps arrière, puis t'as des mots juste de bonnes chances de gagner. Pis si j'avais fait l'équation, là, ben, ben simple, là. Les Vikings, c'est la défensive numéro un. Ils ont même été meilleurs un peu que les Jaguars dans certaines catégories. Et le meilleur corps des deux, moi, Nick Foles, j'ai ben de la misère avec ça. Le meilleur corps des deux, c'est Case Keenum. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais oui, c'est le meilleur corps dans un match de championnat. Donc, je donne l'avantage aux Vikings qui vont être en plus énergisé de cette victoire inespérée la semaine dernière. OK. Donc, je pense qu'on est pas mal d'accord avec ça. On va y aller avec les Vikings dans les trois points. Alexandre, profite de ton voyage, de ton restant de voyage. Il te reste 4 heures à triper parce que quand Tom Brady va arriver sur le terrain, ça va être terminé. Ça va virer un cauchemar pour toi. Fait que... Danny, en conclusion, je vais te répéter ce que j'ai dit à tout le monde dans l'autobus parce que je suis le seul partisan des Jags dans mon propre autobus. J'ai dit, l'année passée, on a fini 3-13 cette année, je m'attends une défaite, puis peu importe ce qui va arriver, on devait pas être là, donc c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Okay. Messieurs, on s'en parle, Marc, on s'en parle samedi prochain, peut-être? Hey, bon match, hein, Alexandre, puis honnêtement, la seule chose... Merci beaucoup. C'est c'est que les Jaguars prennent pas l'avance et qu'ils sachent pas remonter en fin de match. Parce que ça, t'as bien beau dire, ah, peu importe, tu vas être content. Non, ça, ça fait mal, ça. Je le souhaite vraiment. Oui, là-dessus, t'es mal dirigé. C'est incroyable. C'est quoi, c'est Steelers, ça? Vraiment pas. Voilà, c'est quoi, on s'en parle la semaine prochaine. Je prends le conseil, Marc. Merci, salutations. Voilà. Donc, Alexandre Gauthier et Marc Diquet pour la chronique de la NFL.